Nous allons sortir les bêtes discrètement, lentement. À la lumière de la lune, nous filerons à travers champs. Nous rejoindrons la cachette prudemment, lentement. Abandonnant nos fortunes, nous irons vivre autrement. Arrachons-nous d'ici, emportons sur nous la vie. Allons semer nos petits sous les décombres des villes. Et dans un an peut-être le jour reviendra, quand les fissures vont naître en écailles dans nos bras. Des coquilles en oiseaux sonnera de renouveau. Et dans un an peut-être le jour reviendra, quand les fissures vont naître en écailles dans nos bras. Des coquilles en oiseaux sonnera de renouveau. Et dans un élan bestial, furtivement, tendrement, nous reviendrons vers la terre, les seins gonflés vers devant. Redécouvrir l'animal, étouffé, serré dans toutes nos poitrines de verre, qui traversera comme le vent. Arrachons-nous d'ici, emportons sur nous la vie. Allons semer nos petits.